3 heures, oh là là, je suis en retard. J'ai rendez-vous avec Alain Bachin à 3 heures. Alain Bachin, le directeur du Théâtre du Soleil? Oui, oui. Ah bon? Il est sympa? Il a quel âge? Il est très sympa et il a 40 ans. Il a un rôle pour toi? Peut-être un projet de comédie musicale. Tu es la future star internationale du Théâtre du Soleil. Exactement. Bon, ciao. Hé, nous avons Julien et Clara à dîner ce soir. D'accord. Ils ont des billets pour le concert de samedi? Oui. Parfait. Salut. À ce soir. Bonne chance.